Hein? Il y a la loi de Dieu d'un bord, puis en même temps, il y a la grâce de Dieu. Combien de personnes ont lu le livre Le Chac? Je sais que ceux qui ont, parce qu'on a fait une étude du livre pendant plusieurs mois. Alors, on faisait une étude le mercredi soir, alors plusieurs venaient. Hein, on était peut-être environ 8 personnes, 8 à 10 personnes parfois, qui venaient pour l'étude du livre Le Chac. Et puis, donc, si vous n'avez pas lu le livre Le Chac, qui est un livre très populaire, ceux qui ne l'ont pas lu, levez donc la main, que je vous vois. Alors, c'est un livre que vous pouvez procurer chez n'importe quel libraire ou même chez Costco, bien donc Jean Coutu. C'est un livre très populaire. D'ailleurs, Oprah, hein? Oprah avait fait la promotion de ce livre-là. Et puis, moi, la première fois, enfin, une amie me l'avait proposé. Le titre me laissait indifférent, Le Chac. Mais finalement, j'avais lu une revue dans la presse. Je me souviens plus qui faisait la critique du livre. Et puis, c'était une bonne critique. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais acheter le livre. Et quand je dis à mon ami, ah, je suis en train de lire un très bon livre, Le Chat. Puis, elle m'a dit, mais c'est moi qui te l'a proposé. Puis, ah, hein, puis, mais je m'en souvenais plus. C'était le même livre. Avant de commencer l'étude du livre, Le Chat, avant de commencer la lecture du livre, même dans hein, les gens, les personnes qui venaient aux études inductives du mercredi soir, aussi bien que le dimanche matin, plusieurs, ou du moins quelques-uns, hein, disaient comment que leur perception de Dieu, hein, la perception qu'ils avaient de Dieu, était une perception plutôt négative. Hein? Même que quelqu'un dans le groupe disait, j'ai toujours l'impression que Dieu est fâché avec moi. Et ceux qui étaient dans l'étude inductive, ils savent peut-être qu'ils vont replacer la personne, c'est qui disait ça. Parce que souvent, le mercredi, là, cette personne venait à l'étude, elle disait souvent, j'ai l'impression que Dieu est fâché avec moi. Que je ne peux pas lui plaire, je n'arriverai jamais à plaire à Dieu. Ceux qui ont lu le livre, est-ce que votre perception de Dieu a changé après la lecture du livre? Combien peuvent dire ceux qui l'ont lu là? Ceux qui l'ont lu, levez la main. OK? Alors, est-ce que votre perception de Dieu a changé après la lecture du livre? Ouais, oui. Peut-être qu'elle n'a pas changé parce que peut-être que déjà vous aviez cette perception-là. Hein? Je pourrais poser la question, est-ce que la lecture du livre a confirmé la perception positive que vous aviez de Dieu? Hein? La question se pose. Juste quelques partages rapides. Parce que ceux qui sont venus aux études du livre, hein, vous l'avez fait par intérêt, parce que justement, vous avez aimé le livre, puis vous voulez en discuter. Mais pour le bienfait des autres, pour le bienfait de ceux qui ne l'ont pas lu, vu que ce matin on parle, puis probablement que la semaine prochaine aussi, là, hein, on va faire quelques semaines, où j'aimerais qu'on s'entretienne sur la grâce et la liberté. Ça fait longtemps que je voulais parler, qu'on s'arrête ensemble sur le thème de la grâce de Dieu, hein, source de salut pour tous les hommes. Comment qu'on vit la grâce de Dieu? Puis ensuite, on va parler de la liberté. Assumer notre liberté. Dieu nous donne une liberté, et bien souvent, on ne l'assume pas. Comment assumer la liberté que Dieu nous donne? dans les tables de discussion qu'on a justement par rapport à la définition de l'Église, on en parle, hein, on en a parlé encore hier, hein, de la liberté. Hein, le fait qu'une des valeurs, qui va vous être proposée, hein, parce que là on commence, on discute, hein, les membres, les participants de la table de travail sur la définition, donc prépare un document. Et puis, qui va vous être présenté plus tard pour voir si ça reflète l'opinion de l'ensemble de la communauté. Et une des valeurs que nous avons discutées hier en groupe, c'était le respect du libre arbitre de chacun et chacune. Que dans cette communauté, enfin, les gens qui étaient présents, les participants à la table, disaient, bien, une des valeurs que nous voulons mettre de l'avant, une des valeurs que nous avons développées, et peut-être qu'on n'est pas arrivé complètement à sa pleine manifestation, mais une des valeurs, c'était le respect du libre arbitre de chacun et chacune. Que chacun de nous, devant Dieu, nous sommes des libres arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre de décider. Ce n'est pas moi qui décide pour vous, ce n'est pas un pasteur qui doit décider pour moi, ce n'est pas une église qui doit décider pour l'ensemble, mais que chacun de nous, même si nous venons dans cette communauté, maintenant je sais que ce n'est pas toutes les communautés qui fonctionnent de même. Hein? Plusieurs communautés chrétiennes, hein? Il y a un cadre dans lequel on doit fitter. Hein? Et si tu ne fites pas dedans, on va couper. Hein? On va couper autour, hein, un peu comme une tarte. On coupe la pâte. Faut que ça rentre à l'intérieur du cadre. Une des valeurs de cette communauté dont on parle, on est en train de parler de ça, c'est que notre vision, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle où on doit fuiter dans un cadre. Mais celle où cette communauté est une collectivité, un rassemblement de croyants, ce qui nous unit. C'est notre désir de faire partie du projet de Dieu. La Bible parle, hein, lorsque Jésus va parler du projet de Dieu, il va parler du royaume de Dieu. Hein? Fait que le message que Jésus proposait, le discours qu'il tenait, était celui du royaume de Dieu, le règne de Dieu. Fait que, là, on adapte. Dans un français courant d'aujourd'hui, en disant projet. Parce qu'aujourd'hui, royaume, ça ne veut plus dire grand-chose à grand monde. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Le royaume des jouets, hein? Anciennement chez Eaton. C'est quoi un royaume? Hein? Fait que, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu, enfin, quand les prophètes font référence au royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était la shalom, hein? La paix. C'est ce fameux concept de la shalom. Donc, aujourd'hui, on va parler du projet de Dieu. Alors, ce qui nous réunit, c'est le fait qu'on veut se joindre à cette communauté, on veut faire partie de cette communauté, c'est notre désir de participer au projet de Dieu, de s'identifier au projet de Dieu. Et comme on a dit la semaine dernière, lorsque on a pris la Sainte-Seine, là, si on prend la Sainte-Seine, pour moi, et à différents moments, ça peut aussi signifier différentes choses, mais pour moi, participer à la table du Seigneur, c'est de me rendre solidaire au projet de Dieu. Au projet de Dieu pour le monde, au projet de Dieu pour moi, de dire, Dieu, je fais partie de ton projet. Je travaille à ce projet pour le bien du monde. Et pour le bien de la création, l'environnement, ce que tu as créé, hein, pour leur bien. Alors, je rentre dans ce projet-là, je fais partie du projet. Fait que ce qui est proposé par cette communauté, et je pense que c'est ce qui est proposé par l'Évangile, par la Bible, ce qui est proposé, ce n'est pas seulement une police d'assurance pour aller au ciel. Alright? Ce n'est pas seulement une police d'assurance pour le ciel. Ce que Jésus nous propose, c'est de rentrer dans son royaume et de devenir partie prenante de son royaume, de travailler et de différentes façons au royaume de Dieu. Cette semaine, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, mais ce serait une bonne question peut-être que je pourrais vous poser, puis qu'on pourrait essayer de répondre à un moment donné, un dimanche matin. Parce que Hicham, dont je vous ai parlé un peu la semaine dernière, Hicham m'a envoyé un courriel me demandant une question. Et puis, sa question était, si Jésus était présent dans le monde aujourd'hui, hein? Comme il a été présent il y a 2000 ans, si Jésus était présent dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait pour, peut-être pour que le monde croit en lui, hein? Qu'est-ce qu'il ferait? Je lui ai répondu, mais je ne vous donne pas la réponse. Parce que j'aimerais un dimanche matin qu'on en discute de dire, qu'est-ce que vous auriez répondu à Hicham? Qu'est-ce que Jésus ferait? Est-ce que Jésus ferait quelque chose de différent? Est-ce qu'il agirait différemment? Alors là, j'en ai profité pour lui parler du projet de Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand Hicham me parlait par rapport à l'islam, le christianisme, et puis. Alors j'avais posé la question à Hicham, j'avais dit, qu'est-ce que tu cherches? La bonne religion? Ou Dieu. Parce que ma réponse va être selon le cas. Si tu cherches une bonne religion, ben, je peux t'expliquer pourquoi que le christianisme pourrait être la meilleure religion. Si tu cherches Dieu, c'est une autre affaire. Ma réponse va être différente. Qu'est-ce que tu cherches? La bonne religion ou est-ce que tu cherches Dieu? Le projet de Dieu. Fait que, lorsque les gens dont on lit le livre Le Chac, certains donc leur perception a changé de Dieu. Comment ta perception de Dieu a changé, Daniel? Si tu veux nous en parler? Veux-tu prendre le micro? Non. Je vais m'approcher quand même. Je me sens plus libre. C'est juste ça. Je me sens moins obligée, tu sais, de quitter, justement. Je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point Dieu nous laissait libres, le libre arbitre. C'est vraiment ça. Les deux fois que je le dis, je vais le relire une troisième et une quatrième fois. Il y a probablement autre chose qui va me frapper. Alors, ce qui t'a frappé surtout, là, c'était ça, hein, la liberté que Dieu te donne. La liberté d'être moi-même. D'être toi-même. Et puis, donc là, tu te sens plus libre. Quelqu'un d'autre qui a lu le livre qui veut. Nicolas, tu veux te lever puis nous dire ça? Hein? Ouais. Mais dans le fond, c'est que, comme on fait, comme d'habitude, c'est qu'on a tendance à mettre Dieu dans une boîte. Mais Dieu, il est plus que ça, il est partout dans le fond. Là. Puis aussi, ça m'a enseigné aussi que certains des problèmes que connaissait notre société, c'est surtout par rapport à justement à l'égoïsme des hommes et tout ça. C'est sûr que ça m'a enseigné. OK. Donc, pour toi, ça te donne de voir Dieu hors de la boîte. Hors de la boîte, ça peut être la boîte catholique, la boîte évangélique, la boîte. Hein, protestant, Dieu hors de la boîte. On a vu Dieu autrement, différemment. Quelqu'un d'autre qui veut partager comment ta perception a changé, Sandy? Je pense que c'est le plaisir que la Trinité a pris en soi-même. Hein. Qu'ils aimaient l'un l'autre, si je peux le dire. Il y avait vraiment un plaisir autour de la table entre les trois personnes de la Trinité que le bonhomme Jésus-Christ, Marc a pu participer, mais aussi être observateur. Alors, j'étais très touchée par la présentation de la Trinité dans leur dynamique. OK. Oui, puis c'est vrai, hein? Il y avait une complicité, là, une complicité, une jouissance. On parlait hein, de... Des relations jouissives. Hein, il y avait une jouissance entre eux. Daniel? Non, je veux juste ajouter quelque chose que je pensais. Tu sais, les gens disent souvent, ils vont me dire, mettons, mais si Dieu existe, pourquoi ça va si mal sur la terre? Mais c'est ça, il a confirmé. Dieu nous laisse tellement le libre arbitre que l'homme a mal choisi, a fait des mauvais choix. C'est juste la conséquence des choix de l'homme. Ça a confirmé ça. OK. Quelqu'un d'autre qui a lu le livre et qui veut nous dire comment votre perception a changé? Maryse, tu veux te lever et nous dire ça? Pas une perception en particulier, c'est toutes les fenêtres que le livre ouvre, je trouve, sur ce qu'on a dit, sur un Dieu qui est particulièrement attaché à chaque personne sur la terre, un Dieu qui n'est pas punitif, qui nous laisse libres, qui nous aime libres, ce que Sandy partageait aussi, puis et Daniel par rapport à la souffrance sur la terre. Et aussi, il y a d'autres fenêtres qui s'ouvrent, je trouve, sur la, justement par rapport à la souffrance, comment Dieu l'utilise. Un peu comme le verset qui dit qu'il tourne en bien, il amène chaque chose à son bon. Enfin, beaucoup de fenêtres ouvertes, je trouve. Oui. Le verset tout de suite, Romains 8, 28, hein, une relecture que nous avons fait souvent de Romains 8, 28, alors que la traduction de Louis II, hein, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors que Paul Tournier, hein, traduit avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout à leur bien. Et c'est ça qu'on a appris dans le chat. Que Dieu collabore au bien, hein? Il collaborait au bien de Marc, malgré l'épreuve qu'il avait vécue, hein? La mort de sa petite-fille, hein? Le viol, hein? Et puis la petite-fille qui est morte, hein? Cette rébellion qu'il avait en lui face à cette épreuve, et puis que finalement qu'il découvre que justement cette rencontre qu'il a avec Dieu dans le chac, hein? Que Dieu est en train de lui montrer que parce qu'il l'aime, et puis Marc, en réalité, il n'est pas trop sûr s'il aime Dieu ou non. Hein? Hein? Il y a comme une relation, comment qu'on pourrait dire, ambivalente avec Dieu. Des fois, il l'aime, puis d'autres fois, il aura envie de maudire. Hein? Un peu comme Job, là, qui, dans sa femme lui dit, « Maudit Dieu! » puis alors, il était vraiment, pour utiliser le mot, Marc était en maudit des fois. Et puis, ceux qui vont être pris ça sur le blog, ils vont être consternés qu'on utilise le mot maudit. Mais c'est ce que Marc vivait. Donc, il y avait une relation ambivalente. Et là, il découvre qu'en réalité, le petit lumignon d'amour qu'il a pour Dieu, cette pensée qu'il a encore pour Dieu, que Dieu, justement, il va la nourrir. Il va nourrir ce petit lumignon. Il va le rencontrer pour lui montrer qu'il collabore parce qu'il l'aime. Parce que Marc aime Dieu. Pas tout le temps, mais des fois. Mais parce qu'il l'aime. Le lumignon est là, que Dieu collabore en tout à son bien. Il rencontre pour essayer de lui faire comprendre des choses. C'est une. Et des fenêtres, comme disait Maryse, les fenêtres, pour Maryse, ça a ouvert des fenêtres, différentes fenêtres. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Alphonse? Oui, moi, ça m'a quand même aidé le livre-là, sur la grandeur de Dieu. Il y a un chanteur congolais qui a chanté au Congo, là, il a dit Dieu notre mère. Alors, ça créait vraiment des polémiques dans la société au point où les gens ne pouvaient pas les choses pareilles. Mais moi, dans la lecture, je voulais faire quand même une partie de la grandeur de Dieu, comment il recevait les gens comme une mère. Ça ne m'a pas posé de problème, ça m'a beaucoup aidé de voir que la grandeur de Dieu surpasse même cet entendement que les gens ont sur père et mère. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on va vendre la mèche. Parce que Dieu finalement, dans le livre Le Chac, il se manifeste comme une femme. Une femme noire, mais pas juste une femme noire. Dieu est une bille maman. Une bille maman afro-américaine, j'imagine. Ouais. Parce que ça m'est arrivé à l'occasion, parce que j'allais dans des églises à Washington, Atlanta, et puis des églises pentecôtistes, surtout pentecôtisantes dans le temps. Et puis là, il y avait des billes mamas. Hein? Et puis là, je peux te raconter ça? Là, j'avais un ami qui était venu avec moi. C'était un membre de la communauté qui était en formation pour, hein, pour le service. Puis, alors, on était allé à Washington, à cette église. Et puis, là, à un moment donné, c'est une église très chaleureuse, hein, parce que vraiment, les gens, ils se donnent des câlins, puis, c'est pas juste, c'est la petite bise. Et puis, et là, il y avait donc cet ami qui était à peu près de ma taille. Puis là, donc, durant le culte, il y a un moment où c'était le pasteur dit, bon, donnez-vous une grosse accolade, dites-vous vous vous aimez. Puis là, tout le monde se lève. Puis une grosse bille maman qui le prend. Il s'appelait Gilles. Il s'appelait Gilles. Et puis Gilles a dit, je me suis retrouvé la tête entre deux montagnes. On a du fun, on s'amuse. All right? C'est correct? Moi, j'ai trouvé ça tellement ingénieux parce que c'est un auteur américain, puis il y a une certaine. Il y a certains stéréotypes face aux Noirs et les femmes noires aux États-Unis, pas les immigrants, mais les Afro-Américains. Alors, j'étais tellement crampée quand il a choisi cette image, ouais. Parce que c'était une blague aux Américains qui ont des préjugés. Oui, oui. Puis en même temps c'est des gens très généreux. Hein? Moi, là, si on est là à Washington, je veux dire, les gens nous accueillaient, puis on était des inconnus, mais je veux dire. Ils nous auraient reçus chez eux, j'ai pas de place pour aller dormir, viens dormir chez moi. Très, très généreux de leur personne. Et puis, et pour moi, quand j'ai lu hein, dans le chat, comment il s'appelle l'auteur déjà? Paul Young. Il illustre Dieu comme une big maman. Alors pour moi, je pouvais facilement visualiser. Cette générosité de Dieu, est-ce que Dieu est généreux? Est-ce que ça vous qui n'avez pas lu le livre là, seulement nous entendre parler ce matin, est-ce que ça vous donne le goût de connaître un Dieu comme ça, comme une big mama? Manon? Moi, je veux juste ajouter quelque chose parce qu'à la fin du livre, on comprend aussi pourquoi il s'est présenté comme sous ces traits-là. Parce qu'il aurait été réticent, il était prisonnier, Marc, de l'image mentale qu'il se faisait de Dieu, tu sais, comme un père. Lui, sa relation avec son père n'était pas formidable. Alors, si Dieu s'était présenté à lui comme ça, il aurait été sur les breaks. Mais là, ça l'a déstabilisé, puis ça l'a aidé à entrer en relation avec lui. Fait que je me dis, Dieu est sensible à nos perceptions, puis il est conscient de tout ça. Moi, de voir qu'il fait l'effort de se présenter sous des traits qui étaient ouais. Plus attirants pour Marc. Oui, encore là, c'est frappant, justement, que Dieu se prête. Hein? Mm-hmm. Dieu se prête un peu comme on pense avec Balaam, où Dieu s'est prêté à parler à Balaam par un ange. Hein? Mais Dieu se prête à nous, tellement Dieu nous aime. Tellement Dieu nous aime qu'il est prêt à tout pour nous rejoindre. Hein? Donc, je disais qu'avant de lire le livre, quelques personnes, il y en avait, hein, on a témoigné ce matin que la perception a changé, mais il y en avait qui avaient des perceptions très négatives par rapport à Dieu, avant de lire le livre. Et à chaque mercredi, on avait beau les rassurer de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, hein? Il n'y avait rien à faire. Je crois qu'il y avait des progrès, hein? Il y avait des progrès où certaines personnes commençaient à comprendre un peu mieux la grâce, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Après, pendant, je dirais, pendant la lecture du livre et après, la perception de ces personnes-là avait complètement changé. Complètement changé. À un point que quelqu'un, la personne qui disait, « J'ai toujours l'impression que Dieu est fâché avec moi », a dit, « Ben, je commence à penser que Dieu m'aime. Je commence à penser que Dieu m'aime. » Là, c'est là que j'en arrive à ma question que je veux partager, parce que dimanche prochain, on ira plus loin et je vais plus apporter une étude plus magistrale sur la grâce. Mais je tenais à ce qu'on discute sur le livre comme collectivité, vu qu'on en a parlé souvent, et puis qu'il y a un groupe qui l'a étudié, et je pense, jusqu'à un certain point, corrigez-moi si je fais erreur, ceux qui sont dans les tables de définition, les tables de travail, mais je pense qu'à un certain point, les valeurs qu'on est en train de parler, hein, on a parlé de plusieurs valeurs hier, les valeurs de la communauté, et je pense même notre énoncé de mission, on a réussi à concocter un énoncé de mission hier. On va vous la proposer plus tard. Mais je pense que cet énoncé de mission et les valeurs qu'on a énumérées, que l'étude qu'on a faite du livre du Chac a nourri cette réflexion-là pour qu'on en arrive à dire « Ouais, ben, on veut que ce soit ça nos valeurs. » Tu vrai, Daniel? T'en penses, Marie? Parce que c'est sur la table, toi aussi, la table de travail. Est-ce que le livre t'a aidé donc à arriver à dire, ben, hein, les valeurs dont on a parlé hier, d'ouverture, de respect, hein, d'inclusion, de... Ben oui, sûrement. Je ne suis pas conscient comme hier, mais je crois bien que... OK. Donc, ceux qui ne l'ont pas lu, moi, je vous encourage fortement. Empruntez-le. Si vous n'avez pas d'argent pour l'acheter, empruntez-le de quelqu'un qui l'a déjà lu, là. Et puis, moi, je l'ai lu en anglais, en français. Puis là, je vais me l'acheter en espagnol pour le lire en espagnol, pour développer mon espagnol. Mais, c'est ça. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Les jeunes, aussi bien que les adultes, les jeunes adultes, je devrais dire, aussi bien que les plus vieux adultes. Lisez-le. OK. La question que je pose, puis on va s'arrêter aux réponses de ces questions-là. Tu veux changer de... OK. On parle d'un tandem, hein, un tandem grâce et loi. On retrouve les deux. La loi, normalement, qu'est-ce que la loi produit? Le péché. Oh, si on l'enfant. Pardon? Des règles à suivre. Des règles à suivre. Le mot que je cherchais, c'est le légalisme. La loi produit... le légalisme. Une question que j'aimerais poser. Parce que dans... Et là, c'est pas seulement avec les personnes qui ont suivi l'étude le mercredi soir, mais j'ai d'autres connaissances, des amis qui l'ont lu dans d'autres communautés, des gens qui ont lu le livre, et puis la réaction ou la réponse n'a pas été la même pour tout le monde. Dans ce sens que et là je pose la question, avez-vous l'impression que la grâce est plus difficile à conjuguer que la loi? je dirais oui, parce que la loi, je donne des exemples, la loi disait que œil pour œil, dent pour dent, mais la grâce, il dit, quand quelqu'un qui fait des choses, il faut pardonner 7 fois. Donc alors c'est plus difficile de pardonner 7 fois, 7 fois que de remettre le gifle, comme il dit quand quelqu'un te donne une gifle à la loi, j'avais le droit de le remettre parce que c'est œil pour œil, dent pour dent, mais la grâce, il dit, donner de l'ajout pour donner un autre. Alors c'est plus difficile de la grâce que de la loi. C'est bien des choses, comme plusieurs exemples que Jésus donnait, un exemple entre la grâce, comme quelqu'un qui a commis un adultère, tout ça, il devait enlever la pitié ou quoi, mais avec la grâce, c'est pardonné. Et puis beaucoup d'exemples de la grâce, c'est très difficile. Il dit de juste regarder une femme seulement pour faire un péché. Il n'a même pas besoin d'aller en relation avec une femme. Okay. Juste la regarder seulement. Ok. Merci. Donc, la réponse pour de madame, c'est oui. Hein? Oui pour elle. Que c'est plus difficile de conjuguer la grâce que la loi. Si on parle de la grâce, je suis en train de regarder mes notes, voir si je ne veux pas sauter en avant, puis avoir à revenir en arrière. J'étais pour poser la question. Quelles sont deux réponses qu'on peut avoir à la grâce? Deux réponses à la grâce. Oui, puis non? On apporte la grâce. Parce que là je parle justement de la réaction que j'ai vue. Deux réactions possibles à la grâce. Parce que quelqu'un qui a connu la loi ou le légalisme de certaines églises, parlons Église, parlons communauté chrétienne. Quelqu'un qui a connu le légalisme de l'Église, puis il n'y a pas seulement l'Église évangélique qui a été légaliste, maintenant, hein, il y a le catholicisme, hein, ça, c'est partout. Là. Je ne pointe pas une communauté plus qu'une autre. Mais des personnes qui ont connu le légalisme dans une Église, dans une dénomination, un mouvement, et puis qu'on leur présente la grâce, Tom. Alors, il y a deux réactions. D'après moi, il y a deux réactions possibles. La première? Pardon? Quelles sont deux... D'après moi, je disais que d'après moi, il y a deux réponses, deux réactions possibles à la grâce, par rapport à quelqu'un qui a connu le légalisme, et puis là, on lui annonce la grâce, il y a deux réponses possibles. Quelles sont ces deux réactions ou deux réponses qu'on peut avoir à la grâce? On vous annonce la grâce. Ah! Moi, je pense à la parabole du fils prodigue. Le fils aîné, c'est comme légaliste, hein? J'ai tout fait ce que tu me dis, tout ça, puis il est vraiment fâché. Quand son père manifeste la grâce à son jeune frère, il est fâché. Okay. Il réagit en étant frustré de voir que... Ben là, ce sera une troisième, ça. Troisième. C'est intéressant. Intéressant que tu mentionnes ça. Noémie. Non, dans le but de la loi. La loi. L'obéissance à la loi. Juste pour... parce que le temps passe vite. Je dis, Nicole? Ah, je ne vais pas dire pas. Il y a deux réactions. La première, c'est que la personne peut dire, parce que quand le légalisme, peut dire, ça ne se peut pas que tout d'un coup, on renverse ce qu'on avait, et qu'on nous a cru, et qu'on a chose. Maintenant, on dit que c'est de l'égal, parce que l'autre réaction, c'est que Ça va être intéressant. Ça va être intéressant la semaine prochaine parce qu'on va, apporter ça de façon plus succincte. C'est intéressant ce que tu dis, Nicole. Je mentionnais qu'une réaction possible, c'est... donc, il y a une réponse où on va vouloir profiter de la grâce en disant « Yeah! All right! Je peux faire ce que je veux. » C'est, je pense au verset de Paul, dans Galates, où ce que Paul va dire, « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, à la grâce. Seulement, ne faites pas de cette liberté-là, ne faites pas de cette grâce-là un tremplin pour vivre comme bon vous semble. » Alors, il peut y avoir cette réponse à la grâce. Ou est-ce que c'est un « Ouf! » J'ai pas besoin de tout observer, tout ça. Alors maintenant, je peux faire ce que je veux. Et ça, j'ai vu cette réaction-là. Hein? Je l'ai vu. Et même certaines personnes ont dit, j'ai de la difficulté à composer avec la grâce. Parce que j'ai plus de balises maintenant. Non, on va y revenir là-dessus la semaine prochaine. On va y revenir. La deuxième réaction que la grâce peut produire, c'est celle de la motivation. La grâce nous motive. Et là, je pense au passage de Paul, qui écrit à Tite, et qui va dire, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » Elle nous éduque, elle nous motive, elle nous amène à nous détourner du mépris de Dieu et ça nous donne de s'intéresser au projet de Dieu. Donc, il y a une réaction que j'ai vue, hein, que je vois chez certaines personnes, c'est celle du soulagement, oui, mais avec un soulagement qui devient une relâche, un relâchement. Ah, maintenant, je peux faire ce que je veux. Tu sais, puis Dieu m'aime quand même. Puis, hein? Puis il y a aussi la grâce, c'est motivation. Et je l'ai vu ça aussi. Hein? Chez des gens où la grâce les a motivés à dire, ouais, Dieu m'aime, Dieu me fait grâce. Et puis, cette grâce-là devient motivation. Je vais reposer la question différemment. Parce que justement, il y avait des personnes avec qui j'ai parlé qui disaient justement j'ai la difficulté de composer avec la grâce. Je pose la question, et peut-être qu'elle est mal posée la question. C'est des questions que j'ai notées comme ça. Puis, parce que je voyais les deux tendances. Et chez des personnes dans la communauté et hors de la communauté. Pourquoi préférer les rigueurs de la loi à la souplesse de la grâce? Je vous fais réfléchir. On réfléchit ensemble. Est-ce possible de préférer les rigueurs de la loi à la souplesse de la grâce? Je donne un exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements, hein, il y a des mouvements très légalistes et qui attirent des gens? Mentionnons. On va fermer le micro. Mentionnons les témoins de Jéhovah, par exemple, ou les Mormons. On pourrait même penser au fondamentalisme évangélique, ou le fondamentalisme islamique, c'est la rigueur. Puis il y a des gens qui aiment cette rigueur. Et ces mouvements-là vont attirer beaucoup de monde. Alors, pourquoi préférer les rigueurs de la loi à la souplesse de la grâce? Noémie? Je crois que parce que souvent, dans la nature humaine, je pense que le monde préfère mieux avoir des lois strictes, des manières structurées pour fonctionner. Comme ça, ils ont plus l'impression d'être en sécurité, ils ont une assurance. Ah, oh, si je suis ce là, ces directions-là, où on suit cette direction-là, ça a l'air de bien, je suis sûre d'avoir quelque part. Parce que peut-être avec la souplesse de la grâce, à un moment donné, c'est comme avant, c'est bon dans la vie libre, mais à un moment donné, je suis pas sûre de où je m'en vais ou comment je vais arriver à la fin. C'est peut-être plus difficile, mais c'est plus facile de suivre les règlements stricts que de juste aller avec soi-même et commencer à négocier avec si tu comprends, avec soi-même. Parce qu'on essaie d'être notre propre juge, avocat, c'est souvent. Okay. Merci Noémie. Sandy? On peut garder plus de contrôle sur le comportement des gens avec la loi, les lois. Alors, dans un sens, c'est plus sécurisant pour les leaders. Pour les leaders. Et pour les gens, comme Noémie disait, aussi pour les gens préfèrent d'être assurés, d'avoir des réponses toutes faites. Hein? Ça arrivait dans ta question. Ça arrivait souvent, des gens, ça arrive encore, moins souvent maintenant, pas moins dans cette communauté. Mais c'est arrivé dans la communauté même ici, où les gens disaient, j'ai-tu le droit de? Genre, dis-moi, est-ce que j'ai le droit de? C'est pas moi de te dire si tu as le droit ou non. Hein? C'est en toi et Dieu. Hein? Bon, on peut en parler, on peut dialoguer, mais je n'ai pas à te dire oui ou non. Manon? L'autre chose, c'est que quand on suit la loi ou on pense qu'on la suit, on sait quelque part, on peut dire je l'ai mérité, j'ai mérité mon ciel, j'ai fait ce que j'avais à faire, fait qu'on peut s'attribuer le mérite. Tandis que la grâce, là, c'est tu ne mérites rien, c'est une faveur inméritée. Puis des fois, bien, c'est dur pour l'orgueil de dire de recevoir cette grâce-là, de dire j'ai rien fait pour, mais je la mérite. Tandis qu'avec la loi, tu as l'impression de mériter quelque chose par tes propres moyens. OK. Merci, madame. Donc, OK, mais dis-moi encore, ça fait déjà 45 minutes, alors je n'abuserai pas de votre temps. Bonne matière à réflexion. La semaine prochaine, je vais vous proposer qu'avant de donner la loi à Israël, Dieu leur avait proposé la grâce et qu'ils l'ont refusée. Et c'est pourquoi que la loi a dû intervenir. Mais Dieu, j'aime cette pensée, quelqu'un qui disait, Paul Darlington, j'essaie de trouver sa citation, je l'ai quelque part, puis je vais la répéter dimanche prochain. Paul Darlington, c'est un pasteur, un prédicateur afro-américain que j'aime bien, et puis théologien aussi. Puis il a dit entre autres, dans l'économie de Dieu, bonjour, dans l'économie de Dieu, hein, on comprend ce qu'on veut dire par l'économie de Dieu, dans le projet de Dieu, dans son économie. Il n'y a pas de place dans l'économie de Dieu où Dieu se plaît à la culpabilité, la honte ou la peur. Dieu ne se complaît pas à culpabiliser les gens. Dieu ne se complaît pas que les gens aient honte ou la peur. Ça ne fait pas partie de l'économie de Dieu. Donc, bonne réflexion qu'on va faire la semaine prochaine. On a une semaine pour réfléchir à tout ça, puis j'espère que votre réponse à la grâce n'en est pas une de relâchement, mais que la grâce devienne une motivation pour nous de répondre à l'amour de Dieu par plus d'amour, en tout point de vue, hein, J'aime quand Jacques Ellul dit que la grâce est un dépassement de la loi. À tout point de vue. La grâce est un dépassement. Elle va plus loin de ce que la loi demandait. Alors, bonne semaine à tous!